Ma tête est lourde, je n'ai pas de plan clair pour tout vous dire d'emblée. Ainsi, ce ne sera pas par déception que l'évidence pourrait être un lieu. La suite dilatée aura permis de lâcher prise et lire jusqu'au valet de lire. Laissant tomber ce que j'allais raconter, j'ai déjà oublié. Plusieurs jours sont passés sans ce que j'ai trouvé. Sans ce que j'ai trouvé, ton et l'idée s'est effacée toute seule. Un peu inquiétant, c'est là, je ne laisse pour perdu un récit des choses vécues par son travers. Puis ce texte commence à être déjà pensé d'abord en espagnol, ce qui inhibe l'écriture. Voyons s'il est possible de faire avec et de faire quelque chose avec.